Secret de femme, étude parisienne, par Eugène Berthoud. Chapitre 1er. Sombre et farouche, et murmurant des paroles fatales, il n'y avait guère plus de 3 heures que mon ami Raoul Guérag se promenait d'un bout à l'autre de la rue Saint-Honoré, lorsqu'une calèche dont les panneaux armoriés répercutaient la pourpre du couchant déboucha par la rue de la Paix et s'arrêta, non loin de lui, devant un hôtel de coquette apparence. La calèche contenait ce que les uns nomment un ange, les autres un démon. Racine, un objet plein d'appât, et le commun des martyrs, une jolie femme. Aussitôt, mon ami Raoul s'épanouit. Incertitude, soucis, tourments de l'attente s'envolèrent. Sous les pieds des chevaux, sous les flocons d'écume qu'ils secouaient autour d'eux, il rampa, glissa, se faufila, et entrevit la reine de ses songes. Elle était délicieuse, en vérité. Blottie au milieu des coussins, l'œil ruisselant de paillettes, la joue en fleurs, elle souriait. À qui et pourquoi? À personne et pour rien. Elle souriait toujours. N'est-ce pas vous avouer que son sourire trahissait de petites dents fines, d'une transparence laiteuse et séparée comme les perles d'un chapelet? Afin de contempler cet écrin vivant, Guérag avait fait sentinelle pendant 3 heures. Il le contempla donc et l'eut contemplé sans se plaindre jusqu'à la consommation des siècles. L'infortuné ne se blasait pas sur ce point de vue. Depuis 2 mois, il se le procurait ainsi quotidiennement par le soleil ou la brume, par vent, pluie ou grêle. C'était naïf, chevaleresque et malsain, mais c'était de l'amour. Et à Dieu ne plaise que j'en médise. Debout dans le ruisseau, le bon jeune homme s'enivra d'extase. Des vagues de flammes déferlèrent contre son cœur. L'admiration, les désirs, le désespoir l'appréhendèrent à la gorge et l'étouffèrent à demi. Le désespoir surtout. Hélas, Raoul n'était-il pas un inconnu pour cette exquise créature? L'avait-elle seulement remarqué? Soupçonnait-elle seulement qu'il y eût quelque part sur le globe un gentilhomme intitulé Raoul Guérag de la Tournière de Fombreuse? Oh! S'écria-t-il une fois de plus, et sans reproche, c'était au moins la 100e en 2 mois. Oh, 20 ans de ma vie pour lui être présenté! Et il se prit à souhaiter incontinent qu'un tremblement de terre engloutit la rue Saint-Honoré, engouffra les 2 laquais, aplatit le cocher poudré, pulvérisa l'attelage, anéantit tout le monde enfin, excepté lui et cette fée mignonne qui l'emporterait nécessairement au sein des déserts. Souhaits inutiles, déjà les portes s'ouvraient en gémissant et la voiture s'enfonçait sous la voûte et la douce vision allait s'évanouir. Tout à coup, Raoul surprit un incident singulier. La dame tressaillit, elle se rejeta en arrière, regarda si nul ne l'observait, et rougissante, émue, interdite, elle adressa un signe mystérieux à un passant qui la saluait sur le trottoir opposé. Cela dura 1 seconde. Le passant s'éloigna. La calèche disparut dans l'hôtel, les portes se refermèrent à grand bruit, et Raoul se réveilla immobile, ébloui, pétrifié. Puissance du ciel, est-ce un ribal? Tel fut son premier cri. 1 minute après, il volait sur les traces de ce compétiteur inattendu. Haletant, les sourcils froncés, les lèvres blanches de jalousie, il le suivit d'abord pour étudier sa démarche. Puis, menaçant et terrible, il gagna du terrain et se retourna pour scruter sa physionomie et interroger sa figure. Or, le cuidam n'avait pas de physionomie et sa figure était parfaitement muette. Il portait de vastes favoris luisants, un parapluie volumineux, un gilet de couleur violette, une chaîne d'or à son gousset, une épingle d'or à sa cravate, des boutons d'or à ses manchettes et des bagues d'or à ses 10 doigts. Il transpirait abondamment, comme il convient à un homme gros et court, et s'épongeait avec un mouchoir plus nuancé que l'arc-en-ciel. Ce n'était point un héros de roman, non. D'ailleurs, il possédait 45 ans, rubis sur l'ongle. Et néanmoins, ruminait Raoul, elle s'est troublée. Qu'a-t-elle de commun avec ce rustre? Le rustre en question trottinait à l'amble, choisissant ses pavés, flânant aux vitrines, examinant les jolies filles d'un air paterne et les laiderons d'un air indulgent. À 15 pas la ronde, il sentait le rhum et la pommade. « Oh, destinée aveugle !» soupira Guérag. « Je suis jeune et beau, élégant et svelte, spirituel et fat. Pour réussir un amour, que me manque-t-il? Rien. Et j'idolâtre une femme, et j'épuiserai mon sang pour baiser le cordon de sa bottine. Mais je ne lui ai pas été présenté, donc elle ne sait pas si j'existe. En revanche, voilà un animal hideux, grossier, vulgaire, ridiculement vêtue, évidemment stupide, qui joue un rôle dans sa vie et qui, en la saluant, la fait rougir et frissonner. Est-ce juste cela, ô destinée ? Il foudroya de loin le fortuné mortel, qui n'en poursuivait pas moins sa route, le ventre en avant et la tête en arrière. « Ah !» reprit Guérac, « si du moins j'étais l'ami de cet idiot !»« On ne cache rien, un ami. Celui-là me raconterait le passé, le présent, les rêves, les caprices de Madame de Logel. Il servirait de marchepied à mon amour. Il me présenterait à elle, enfin. Ô destinée ! Pourquoi ne m'as-tu pas fait l'ami de cet imbécile ?» Cela disant, il arpenta trottoir et macadam dans le sillage du bienheureux piéton. L'exercice développe l'imagination qui, à son tour, développe les extravagances. Sachez en outre que Raoul était naturellement un peu fou. Par degrés, son front se dérida, s'illumina, resplendit. Il poussa une clameur joyeuse. Son ami. Qu'est-ce qui m'empêche de devenir son ami? Rien, devenons-le. Il rejoignit le flâneur en quatre enjambées et lui dit à brûle-pourpoint. Monsieur, je vous demande un million de pardons. Seriez-vous assez bienveillant pour m'octroyer une minute d'audience ? L'homme au joug dodu ne sonna pas, mais Raoul, lui ayant touché légèrement le coude, il fit halte et dévoila un profil ahuri, défiant et fort dénué d'intelligence. « Monsieur, commença l'étourdi, son chapeau à la main, tel que vous me voyez, j'ai nom Raoul Guérac de la Tournière de Fombreuse. Je demeure au numéro 92 de la rue Neuve des Mathurins. J'ai 26 ans et 12 000 francs de rente. Ma santé est bonne, mon caractère est doux, mes mœurs sont pures, mes relations honnêtes. Enfin, je suis bachelier ès-lettres, électeur, éligible, membre de la garde nationale et vacciné. Fort de ces avantages, j'ai l'honneur de vous offrir mon affection et de solliciter la vôtre. » L'homme au favori luisant se gratta le nez en essayant de clore sa bouche béante. N'ayant pu y réussir, il s'assura que Raoul ne lui avait pas volé sa montre, boutonna son paletot, pivota sur ses talons et repartit au pas de course.